The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Parcel. Le colis. Ago. Il y a. To arrive. Arriver. Urgent. Urgent. To mean by. Entendre par. To specify. Préciser. Nothing. Rien. Shame. La honte. Customer. Le client. High strung. Tendu. Now, a bit faster. Urgent. Urgent. Customer. Le client. Nothing. Rien. To specify. Préciser. To arrive. Arriver. To specify. Préciser. To mean by. Entendre par. Customer. Le client. Ago. Il y a. To mean by. Entendre par. Customer. Le client. Nothing. Rien. Parcel. Le colis. Nothing. Rien. Ago. Il y a. Urgent. Urgent. Customer. Le client. To mean by. Entendre par. Parcel. Le colis. Urgent. Urgent. Customer. Le client. Now, use the words in context. Le colis. I sent a package to my best friend for her birthday. J'ai envoyé un colis à ma meilleure amie pour son anniversaire. Il y a. I broke my foot 2 years ago. Il y a 2 ans, je me suis cassé le pied. Entendre par. What I mean by that is I don't know. Ce que j'entends par ça, c'est que je ne sais pas. Préciser. I want to make clear that it is forbidden to smoke on these premises. Je précise qu'il est interdit de fumer dans ces locaux. Le client. There are a lot of customers right now at the boutique. Il y a beaucoup de clients en ce moment à la boutique. Il y a. I broke my foot 2 years ago. Il y a 2 ans, je me suis cassé le pied. Entendre par. What I mean by that is I don't know. Ce que j'entends par ça, c'est que je ne sais pas. Préciser. I want to make clear that it is forbidden to smoke on these premises. Je précise qu'il est interdit de fumer dans ces locaux.